Chaque bijou renferme un secret, une histoire d'amour ou de séparation, un mythe ou une malédiction. Découvrez La Voix des Bijoux, le podcast de l'École des Arts Joailliers avec le soutien de Van Cleef & Arpels qui vous dévoile les fascinantes histoires et les savoirs secrets des bijoux à travers le monde. À retrouver prochainement sur toutes les plateformes d'écoute. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Histoire de France, loupe, microcosme et micro-histoire. Quelques définitions. Qu'est-ce qu'une loupe ? Un bout de verre poli de manière à agrandir les objets. Si elle est binoculaire, la loupe devient une sorte de microscope. Facile. Qu'est-ce qu'un microcosme ? Disons que c'est un monde en miniature. Ça va encore. Qu'est-ce que l'histoire de France ? Ça, je ne m'y risque pas. Et pour la micro-histoire, le mieux est de laisser la parole à celui qui en est la macro-figure, Carlo Ginzburg, au micro de France Culture il y a quelques années. Oui, il a grandement contribué à la discussion. J'ai contribué un peu à une discussion sur la micro-histoire, ce qui a eu des échos dans plusieurs pays, y compris la France, c'est vrai. Et alors, bon, il y a eu, si vous voulez, un malentendu au début qui a continué. C'est-à-dire qu'on a interprété ce mot « micro », ce demi-mot « micro », en tant que lié à la grandeur de l'objet. C'est-à-dire que, évidemment, c'était autre chose. C'était plutôt du côté du regard. Mmh. Une approche microscopique qui pourrait être liée soit, disons, à une fourmi, soit à un éléphant. Ah oui, une fourmi ou un éléphant. Yann Bouvier, bonjour. Bonjour Xavier. Bienvenue au micro du Merci. Cours de l'histoire. Pourquoi la micro-histoire ? Pourquoi choisir la micro-histoire pour essayer de transmettre l'histoire de France à taille humaine ? Parce que c'est d'abord une approche, moi, qui m'avait beaucoup plu quand je l'ai découverte dans mes années d'étudiant, qui commence à remonter maintenant. J'étais rentré dans cette approche à la fois au cours de mes propres recherches, dont on aura peut-être l'occasion de discuter rapidement tout à l'heure, et puis aussi en découvrant un ouvrage qui a été pour moi fondateur, à savoir Le Monde retrouvé de Louis-François Pinago par Alain Corbin, qui, de son propre aveu, faisait presque plus de la nano-histoire que de la micro-histoire. Et c'est une approche, en fait, qui a, à mon sens, tout un tas d'intérêts. Le premier, c'est que c'est une approche qui favorise le récit. Oui, le récit. Voilà. Et pour s'adresser à un public assez large, qu'il soit fin connaisseur de l'histoire de France ou qu'il ait une certaine réticence à rentrer dans l'histoire de France, je trouve que c'est voilà, une bonne manière de procéder. Et puis après, il y a cette idée portée par notamment Carlo Ginzburg et d'autres, qui veut que la micro-histoire permet enfin de faire émerger l'exception dans l'histoire. L'individu se révèle et se réveille. Et à rebours de ce qui se faisait dans les années 50-60, l'histoire sérielle, l'histoire des masses, on vient comme ça révéler l'exception, porter attention au grain de sable dans le rouage, qui jusque-là peut-être pouvait effectivement passer inaperçu. L'exception incarnée toujours, une histoire incarnée avec l'historien Alain Corbin qui préface votre ouvrage, Yann Bouvier, Microcosme au pluriel, l'histoire de France à taille humaine. J'ai envie de le dire, l'histoire est toujours à taille humaine et toujours incarnée. C'est ça qui nous intéresse quand on fait de l'histoire, c'est le destin des hommes et des femmes. Mais l'idée de mettre en avant ce qu'on a longtemps appelé des inconnus de l'histoire, ça aussi c'est quelque chose de très porteur pour porter un récit. Oui, parfaitement. Et vous avez raison de préciser anonyme ou inconnu. La micro-histoire, et tout à l'heure on l'a entendu dans l'archive audio que vous avez diffusée, c'est d'abord un regard et c'est une question d'échelle. On peut très bien faire de la micro-histoire en s'intéressant à un individu qui gravite dans les cercles de pouvoir autour des élites. Ce qui intéresse le micro-historien, c'est non pas l'État mais le village, c'est non pas la masse mais l'individu. Et puis, l'intérêt effectivement de proposer, d'arpenter 12 ici périodes de l'histoire de France aux côtés de personnalités anonymes ou méconnues, c'est d'éviter que le lecteur ne rentre dans les chapitres bourré d'a priori. Voilà, il n'y a pas sur ces personnages le vernis mythique ou légendaire qui colle à la peau d'une Jeanne d'Arc ou d'un Napoléon Bonaparte et vierge de, entre guillemets, ces a priori-là. Eh bien, le lecteur peut se laisser un petit peu embarquer et guider par la main. Oui, parce que c'est sûr que quand on dit Napoléon tout de suite en tête, et même si on ne le veut pas, arrive le bicorne et la redingote. Si l'on dit Jules César, bon, immédiatement, on l'imagine avec sa couronne de laurier. Si on dit Vindex, c'est beaucoup plus dur, il y a tout à construire. Effectivement, pour Bindex, il y a tout à construire. Et ça a d'ailleurs été un des grands défis quand il a fallu me lancer dans la conception de cet ouvrage, qui m'a été proposé en fait par les éditions First, donc en octobre 2020. Moi, j'ai jamais imaginé, jamais anticipé écrire un livre de vulgarisation historique. Je ne savais pas. Je savais que ça me prendrait du temps. Je ne savais pas que ça m'en prendrait autant. Là, ça a été 3 ans de travail acharné. Et j'ai plutôt eu tendance à refuser. Et puis finalement, voilà, je me suis laissé aller à produire ce livre parce que je pense que c'est une démarche qui manquait en termes de vulgarisation, j'allais dire grand public, même si le terme est peut-être pas forcément approprié à ce livre qui, je crois, s'adresse à une gamme de publics assez variés. Yann Bouvier, vous êtes enseignant, bien sûr. On vous connaît aussi sous le nom de Yann tout court sur les réseaux sociaux avec cet ouvrage dont il faut évoquer la forme. C'est une bande dessinée, c'est ça qui est intéressant aussi, hein. C'est que le propos reste le même, quelle que soit la forme de l'ouvrage. Le choix a été fait d'une bande dessinée avec des dessins d'Éloi Chevalier. Oui, bande dessinée, on a même plutôt tendance à dire roman graphique, ouvrage épais, dense. On est sur 215 planches dessinées par effectivement Éloi Chevalier, dont c'est ici le premier livre, qui est un jeune dessinateur. J'ai eu la chance en fait de rencontrer, qui m'a été proposé après plusieurs mois d'hésitation entre d'autres noms. Et on aura sûrement l'occasion d'en reparler, mais l'idée, c'est aussi ici de présenter un ouvrage qui se veut être, d'une certaine manière, aussi une encyclopédie visuelle. J'ai essayé de fournir un solide travail de documentation visuelle. J'ai aussi été guidé tout au long de l'écriture de ce livre par une rigueur assez maladive. Et donc, même si nécessairement il y a des oublis de ça, de là, il y a des approximations sur telle ou telle case, mais dans l'ensemble, nous avons fait attention à y intégrer foule de détails historiques qui, je crois, ne relève pas simplement de la lubie de l'auteur, mais porte un propos historique qui n'est pas dénué d'intérêt. À propos de l'historicité du dessin, c'est une note qui apparaît à la fin de votre ouvrage, parce que c'est toute la question de la documentation, c'est la question de la transmission, la nécessité de l'ellipse aussi. C'est bien compliqué de faire l'ellipse. Si on prend ce personnage de Vindex, d'ailleurs on l'a cité, mais on ne l'a même pas présenté. Qui est Vindex? Alors Vindex, bon, y a pas mal de suppositions à son sujet. Il a été notamment étudié par Pierre Cosme. C'était, semble-t-il, un aristocrate gallo-romain issu d'une famille aristocratique d'Aquitaine et qui aurait été nommé gouverneur de la Gaule lyonnaise et qui, depuis là-bas, aurait agité une rébellion contre l'empereur Néron. Que lui arrive-t-il? Est-ce qu'on doit aller au bout de ce qui lui arrive? Oui, peut-être. En fait, ce n'est pas réellement spoilé que de le faire. Il est tué. Et finalement, la révolte qu'il a initiée précipitera quelques mois plus tard à peine la chute de Néron. Et la chute de Néron. Et c'est la fameuse année des quatre empereurs. Voilà, c'est ça. C'est ce moment où, depuis Rome, on observe ce qui se passe en Gaule, parce que tout ça va faire bouger les lignes. Avec cette interrogation, bien sûr, Vercingétorix a été érigé en héros du roman national, comme on le dit bien souvent. Mais il y en a d'autres. Vindex, lui, il est passé un peu à la trappe. Il est passé à la trappe alors qu'il a quand même des points communs qui ne sont pas si négligeables que cela avec Vercingétorix. C'est un perdant magnifique et on aime bien finalement consteller notre récit national de perdant magnifique. À cet égard, je crois que Napoléon est aussi en quelque sorte un perdant magnifique. On parle de ses grandes victoires, on a tendance à oublier qu'à la fin il perd. Cela étant dit, Vindex se bat pour sauvegarder l'ordre romain. À la différence de Vercingétorix. À la différence de Vercingétorix. Et effectivement, il cadre moins avec ce que le roman républicain de la fin du XIXe siècle, et même avec ce que les historiographes du Second Empire voulaient porter comme message, à savoir que nous sommes une patrie certes maintes fois vaincue, mais qui se bat toujours contre ceux qui veulent atteindre à sa liberté. Bien sûr, c'est un récit qu'il faut contrebalancer et qu'il faut nuancer. Oui, si ce n'est qu'on le retrouve chez Astérix, les aventures d'Astérix, c'est ça aussi, et personnage du passé, de cette même période. Bon, là, on n'est pas du tout dans une narration de l'histoire, c'est pas la science historique, c'est plutôt le passé comme toile de fond. Ça veut dire quoi, Vindex, son nom? Vengeur. Et c'est l'occasion d'un petit jeu de mots d'ailleurs dans l'ouvrage. C'est-à-dire Avengers. Ah ben voilà, écoutez, Avengers versus Astérix. Regarde! De tous les villages de la Gaule, celui-ci est le plus dangereux! Il pénètre jamais! Écoute-moi bien, Romain. La guerre a commencé. Chaque fois que nous serons mécontents de la nourriture, nous reviendrons te voir. Les irréductibles Gaulois eux-mêmes se courberont devant toi. C'était le projet Initiative, les Avengers. Je pensais ne pas être à la hauteur. Apparemment, je suis... imbécile. Imprévisible, narcissique. Mais qu'est-ce qui se passe? Et pas fait pour travailler en équipe. Je crois qu'ils ont besoin d'une pause. C'était très bon, hein? N'est-ce pas, Obélix? Thomas Beau, qui réalise l'émission Le cours de l'histoire sur France Culture et qui s'est amusé à organiser cette rencontre entre ces personnages, Avengers et Astérix. Le cours de l'histoire avec aujourd'hui à la technique Élise Leu, Yann Bouvier. Réfléchir à un personnage comme Vindex, donc un de ces... Alors c'est toujours compliqué d'utiliser le mot inconnu, c'est pas un inconnu, mais enfin quelqu'un que vous décidez de mettre en avant pour expliquer la période vous permet, par un système d'entracte, de réfléchir avec des jeunes d'aujourd'hui à simplement la notion de qu'est-ce que la France, quand naît la France. Parce que c'est ça aussi la démarche de votre ouvrage Microcosme, c'est d'apporter des éléments de réflexion sur ce qu'est la science historique. Oui, alors c'est en fait une déclaration d'amour aux historiennes et aux historiens et à cette discipline qui me fascine. Et ce qui me fascine, c'est tant le récit que la manière dont le récit est produit. Et donc ce livre aurait aussi été pensé comme une initiation, en quelque sorte, à l'historiographie, à l'épistémologie, à toutes ces sciences qui réfléchissent à ce qu'est l'histoire et qui ont contribué à la faire grandir, à la faire évoluer. Et il y a donc un fil rouge narratif, effectivement, qui tisse l'ouvrage, qui relie les chapitres entre eux, avec un narrateur qui est un petit peu mon prête-voix, qui me sert aussi d'ailleurs à distiller des informations dont on aura peut-être l'occasion de parler tout à l'heure. Et donc, dans ces entr'actes, des questions sont posées auxquelles je tente d'apporter des réponses. Elle n'est quand la France ? Réponse, on ne peut pas répondre. Ben voilà, mais c'est déjà important de le dire avec ces personnages qui accompagnent le narrateur. Le narrateur, c'est vous, Yann Bouvier, ces personnages, ce sont vos élèves. Et des questions, mais... que nous nous posons nous-mêmes et que tous les enseignants, les enseignantes de France savent, ils savent y répondre parce que à chaque génération, il y a les mêmes questions. Mais c'est quoi l'histoire? Comment on écrit l'histoire? Ça sert à quoi l'histoire? Qu'est-ce que doit raconter l'histoire? Mais c'est des questions difficiles aussi. Ce sont des questions complexes et c'est parce qu'elles sont complexes et parce que l'histoire n'est pas comprise, je pense, par un grand nombre de Françaises et de Français en ce qu'elle est une discipline de recherche. Je pense que c'est pour ça que un certain nombre de personnalités, parfois plus ou moins bien intentionnées, s'engouffrent dans la brèche et peuvent assez facilement tordre, manipuler, inventer des faits. C'est la pseudo-histoire contre laquelle il faut se battre, je crois. Alors, quand je dis il faut, les historiens n'y sont pas tous obligés, mais je crois qu'il est important que certains historiens investissent cette sphère-là, cette sphère publique, parce que celles et ceux qui veulent du mal à l'histoire, eux, ne désinvestissent pas les plateaux ni les studios de radio. Et expliquer, notamment par l'intermédiaire de ce livre, comment on fait l'histoire, quelles sont les méthodes de l'historien, quelles sont les limites de ces méthodes, comment a pu évoluer aussi la discipline historique. Je crois que ce sont autant d'outils donnés à celles et ceux qui voudraient être capables d'identifier facilement et par eux-mêmes ce qui relève d'un discours pseudo-historique. Et puis les réseaux sociaux, bien sûr, là où sont relayées sans cesse des informations assez étonnantes parfois. C'est d'ailleurs amusant de voir comment tout se répète, mais à l'infini avec ces vieilles théories, mais cette histoire rance qui revient sans arrêt et qui est mise en avant. C'est ça aussi, cette démarche. Mais on le sait bien, et je le redis dans toutes les écoles, les collèges, les lycées, partout, tout le temps, il y a des gens qui répondent sans arrêt. Mais c'est un combat qu'il ne faut jamais cesser de mener, il sera toujours là. Mais revenir aux fondamentaux, ça fait du bien. Et j'imagine, Yann Bouvier, je rappelle, vous enseignez l'histoire, la géographie, que pour vous aussi comme démarche, parce que moi je l'ai ressenti en lisant, ça fait du bien, ces rappels de les règles de l'art, la méthode, la démarche adoptée quand on fait de l'histoire. Oui, revenir aux bases est essentiel. Ça a été, à titre personnel, une véritable respiration intellectuelle qui m'a aussi permis de reconnecter avec mes années d'apprenti chercheur. Je suis actuellement, d'ailleurs, je me permet de l'indiquer parce que c'est important de parler des laboratoires, chercheurs associés au Centre de la Méditerranée moderne et contemporaine de l'Université de Nice. Revenir aux fondamentaux, c'est nécessaire, c'est essentiel et pour le coup, c'est quelque chose qui, me semble-t-il, en tout cas, je le crois de mon expérience, n'est pas vulgarisé, ne fait pas l'objet d'ouvrages de vulgarisation grand public. Et c'est un oubli que j'avais aussi envie, d'une certaine manière, de réparer, même si, bien sûr, tout n'y est pas. Mais l'idée aussi de l'ouvrage, c'est de donner envie à toutes celles et tous ceux qui le liront, sachant que quelqu'un qui aura beaucoup lu en histoire, je pense, y apprendra pas mal de choses. L'idée, c'est de donner envie de lire des historiennes, de lire des historiens. Oui, c'est ça, hein, parce que là, on a les pistes qui sont lancées à chaque personnage que vous présentez. On voit bien qu'il y a le relais qui nous conduit tout doucement vers l'ouvrage scientifique, c'est sûr, mais que l'on lit avec beaucoup de plaisir. Vos recherches, vous, c'est quoi ? Alors moi, j'ai travaillé à l'université justement de Nice, Côte d'Azur, sur l'histoire des représentations de l'espace, notamment de l'espace méditerranéen, et comment les récits de voyage portent la mémoire de l'espace en nourrissant de questionnements aussi géographiques, Armand Frémont, l'espace vécu, etc. Raconter l'histoire sous forme de dessin, parfois même animé. Et voilà née l'agriculture. Tiens, tiens. Mais c'est une idée. Et on en vient à l'agriculture motorisée. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est bientôt fini. Ah, il était une fois l'homme, le dessin animé qui a marqué tant de générations. Yann Bouvier, ça vous a marqué, j'imagine, vous aussi. Ah, maestro, difficile de l'oublier. Avec la narration historique qui correspond à un certain public. Parce qu'on peut le rappeler aussi, quand on propose aux plus jeunes quelque chose de qualité, bah, ils sont là et ils sont ravis. On le voit bien d'ailleurs dans Microcosme, quand vous présentez ces jeunes, ces différents, ces élèves, il y a un vrai intérêt, comment dire. Il ne faut pas baisser les bras, tout simplement, parce que tout cela est porteur d'intelligence. Il faut juste tendre la main et donner accès à ce qui est de qualité. Oui, et puis c'est au cœur de mon activité professionnelle principale, qui est la transmission. C'est aussi ce que vous faites tous les jours dans cette émission. Et dans le même temps, pour revenir quand même à l'extrait sonore qui vient d'être diffusé, j'ai essayé de regarder des épisodes avec ma fille, des découvreurs, des explorateurs. Ça a extrêmement mal vieilli et je me suis aperçu que, historiographiquement parlant, ça pose toute une série de problèmes. Mais il ne faut pas être, je crois, condescendant vis-à-vis des programmes qui ne sont pas en phase avec ce qui se fait de plus fin, de plus précis, de plus actuel en termes de recherche historique. Parce qu'en fait, quand on y réfléchit bien, on est quand même très nombreux à avoir peuplé les bancs des facultés d'histoire en venant de ce type d'ouvrage, de ce type de programme, parfois approximatif, qui parfois prend quelques libertés avec le savoir scientifique, mais qui allume l'étincelle de la passion. Ouais, c'est ça le plus important, hein. C'est comment conduire les plus jeunes vers l'histoire, une histoire sérieuse. Qu'est-ce qui donne envie de s'intéresser à l'histoire et pourquoi pas ensuite de faire de l'histoire, sachant que l'histoire, et on le rappelle sans cesse, c'est pas la narration du passé uniquement. L'histoire, c'est aussi une discipline qui doit respecter des règles. Effectivement, et c'est d'abord ça, parce que l'histoire ne se raconte pas d'elle-même. L'histoire de France ne naît pas comme ça, ex nihilo, toute casquée, toute armée. Il faut faire parler les archives, il faut faire parler les sources, il faut aussi faire parler les blancs des archives, parce qu'ils ont beaucoup à nous dire. Et ces méthodes-là, eh bien, j'espère leur avoir rendu honneur au gré de quelques-unes des entractes de cet ouvrage. Oui, parce que comment s'est opéré le choix des personnages ? C'est-à-dire qu'il y avait les différentes périodes que vous vouliez couvrir, et puis ensuite vous vous êtes dit, tiens, je vais chercher quelqu'un d'anonyme ou d'inconnu dans cette période-là, ou il y a des gens que vous vouliez vraiment porter ? Il y a eu deux logiques à l'œuvre. Quand on m'a proposé donc d'écrire un livre de vulgarisation historique sur l'histoire de France, vraiment cette approche-là m'a été soufflée par l'éditeur. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, au départ j'étais plutôt opposé à cette démarche, et puis on m'a donné carte blanche. Et au bout de 3 minutes de conversation, vraiment premier appel de l'éditrice, je me retourne et je vois dans ma bibliothèque la couverture jaune Champ Flammarion du Monde retrouvé de Louis-François Pinago. Ça m'a donné l'idée du concept de l'ouvrage, et bien sûr immédiatement je savais qu'il serait là. Et je savais que d'autres individus que j'avais pu rencontrer réellement, physiquement, mais aussi que j'avais pu croiser au cours soit d'expériences pédagogiques, soit de mes recherches, seraient aussi dans l'ouvrage. Et puis ensuite, comme vous l'avez très bien dit, j'ai établi une structure de périodes que je voulais aborder, de questionnements, de thématiques que je voulais fouiller davantage. Et certains personnages se sont imposés à moi très, très, voire parfois trop tardivement. L'idée n'étant pas ici de proposer des biographies, mais bien des allers-retours entre différentes échelles d'analyse. Du microscope au télescope. Voilà, c'est ça. Et puis, ce que je retiens, c'est que le premier qui s'est imposé à vous, c'est Louis-François Pinago. Pinago, évidemment, Alain Corbin. C'est un inconnu total et c'est ce que je cherchais. Parce qu'au fond, les historiens font l'histoire d'un tout petit nombre d'individus, même lorsqu'il s'agit du 19e siècle, c'est-à-dire du siècle qui a précédé le nôtre. Et lorsqu'ils traitent du peuple, ils traitent du peuple en masse, comme un collectif. Alors je me demandais s'il était possible d'étudier un individu et de lui conférer le statut de sujet. Et s'il était possible d'infuser de la singularité, en quelque sorte, du singulier, dans cette masse anonyme que l'on décrit comme étant le peuple et dont on fait simplement un collectif. Alors c'est pas facile. C'était une occasion de voir l'inaccessible. Ce que l'on ne pourra jamais savoir des individus, enfin de 99,9% des individus, qui nous ont immédiatement précédés. Parce que c'est sans espoir, ce que je n'ai pas trouvé à propos de Louis-François Pinago, c'est sans espoir de le trouver pour les autres, mis à part peut-être une petite dizaine qui ont écrit leur autobiographie des mémoires ou des souvenirs, mais qui, ce faisant, se sont complètement détachés du peuple auquel ils prétendaient appartenir. Alain Corbin, sur France Culture, nous étions en 1998, c'est-à-dire au moment où paraît l'ouvrage « Le monde retrouvé » de Louis-François Pinago. Dites-nous, Yann Bouvier, vous pouvez nous rappeler la démarche d'ailleurs d'Alain Corbin avec Pinago ? Eh bien, sa démarche, effectivement, c'est une démarche de nano-histoire. C'est l'idée selon laquelle, dans ce qu'il y a de plus insignifiant a priori, autour de ce qui peut paraître insignifiant, on peut faire émerger tout un corpus documentaire qui nous permet non pas de retracer l'existence pleine et entière de l'individu. Concernant Louis-François Pinago, on ne sait pas grand-chose. J'ai complété vraiment de manière extrêmement maigre les découvertes d'Alain Corbin et il est très sympathique d'avoir relevé ça dans sa préface qu'il a effectivement signée, des micros apports, notamment visuels, en retrouvant la dernière maison de la famille Pinago dans laquelle ils ont emménagé en 1842, ce qui permet aussi de restituer une partie de l'univers physique et matériel dans lequel ils ont évolué. Mais en fait, le véritable propos, je crois qu'il n'a pas été compris par tout le monde à la sortie du livre, parce qu'il y a eu des critiques que j'ai eu du mal à percevoir, des gens qui disaient « Oui, mais finalement, le fait d'avoir choisi volontairement un individu sur lequel il n'y avait pas grand-chose à dire, ça conduit à brosser le portrait d'une société assez atone, et c'est un défaut méthodologique lié au choix de départ d'Alain Corbin. » Mais en fait, la démarche d'Alain, c'est non pas de restituer l'existence de Louis-François Pinago, mais du monde dans lequel il a pu évoluer, d'où le titre même de l'ouvrage. Et c'est un livre-somme dans lequel il fait de l'ethnologie, dans lequel il fait de l'histoire des sensibilités. Il essaie de restituer les paysages, les odeurs, les sons qui ont environné le quotidien de Louis-François Pinago. Et c'est ça que je trouve fascinant dans cet ouvrage, et c'est ce que j'ai essayé de diffuser un petit peu donc dans Microcosme, d'où le choix de passer aussi par une illustration et par des dessins. Oui, et puis des dessins travaillé, très travaillé, on vient de l'entendre hein, pour Pinago, nous sommes au 19e siècle, nous sommes dans l'Orne et il faut aller retrouver la maison parce que c'est mieux si le dessin représente la maison la plus proche de ce qu'elle a pu être. Exactement, alors c'est un questionnement que j'ai en fait, que je n'ai pas eu. Par exemple, concernant le chapitre sur le grand siècle, on suit un avocat protestant, Claude Brousson, on a très peu de documentation pour ressusciter physiquement la Nîmes des années 1650-60, donc j'ai dit à Éloi Chevalier, écoute, là, on fait un fond uni. Donc, dès lors qu'il y a effectivement des décors dans l'ouvrage, c'est que ce sont des décors documentés. Et effectivement, on travaille d'études du cadastre napoléonien, croisé avec les recensements tout au long du 19e siècle, les archives notariées. Et hop, on tombe sur la localisation précise de la maison. Enquête sur place, la maison est là. Elle est en partie en ruine, mais la maison est là. Et donc ensuite, il s'agit effectivement de proposer toute cette documentation avec tout un tas d'indications. Là, vous avez la photo de la maison. Ah, oui, je vous la montre. Elle est en partie en ruine. La longère, effectivement, la grange est en ruine. Mais alors, d'ailleurs, dans le voisinage, tout le monde sait très bien que c'est la maison des Pinago. Et il faut d'ailleurs préciser que l'ouvrage d'Alain Corbin, ça je l'ai découvert au gré de l'écriture, n'a pas été très bien reçu à Aurigny-le-Butin, là où la famille Pinago a vécu, parce qu'il insiste sur les difficultés matérielles de la famille, l'indigence de Louis-François Pinago et de sa femme Anne Potet dans les années 1830, et C'est une vision qui a été reçue sur place comme une vision trop misérabiliste du quotidien du canton de Belém au 19e siècle. Ah oui, il y a de l'orgueil dans cette histoire-là avec, malgré tout, et alors je ne veux pas vous retourner des critiques, Yann Bouvier, dans la démarche parce qu'elle est extrêmement pertinente, mais comment trouvez-vous l'équilibre pour raconter l'histoire d'un individu qui a une trajectoire parfois différente d'une norme et puis donner l'impression ou le sentiment d'une période, parce que c'est un peu la démarche de Microcosme, essayer de comprendre aussi les périodes. Ça demande d'écrire au scalpel. Exactement. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le sentiment, vous, en le lisant, que j'écrivais au scalpel et que je marchais sur un fil et que j'essayais de ne pas tomber. Mais l'idée, c'est aussi de donner assez régulièrement au lecteur tout un tas d'informations qui lui permettent de percevoir si l'individu est ou pas représentatif de son époque, de son groupe de sociabilité, de l'endroit où il vit, etc. À base parfois même de données statistiques. Et donc, on ressort parfois de certains chapitres en ayant compris que tel individu, effectivement, colle un peu plus à la norme, alors que tel autre est un peu plus exceptionnel, quoique dans certaines dimensions de sa vie, il peut coller à la norme. De la nuance, toujours, c'est une des spécificités de notre si belle discipline. Oui, c'est ça, pour beaucoup de nuances, mais la nuance est difficile à faire passer. C'est sûr qu'une narration historique très linéaire, telle qu'elle s'est imposée pendant très longtemps, hein, et qui était d'ailleurs pratique hein, pour créer un discours commun à tout le monde, ne permettait pas de donner tant et tant de nuances. Tenez, on va lire un manuel, celui de Lavis. Louis XV acquit la Lorraine et la Corse à la France, mais il lui fit perdre ses plus belles colonies. Avant lui, la France était le premier pays du monde. Par sa faute, elle perdit beaucoup de sa puissance. Louis XV fut donc un mauvais roi. Lavis, Histoire de France, cours élémentaire, Paris, 1913. Ah, les manuels d'Ernest Lavis qui couvrent alors de la fin du 19e siècle jusqu'aux années 1950, parfois 1960, on en retrouve encore des gens qui ont été baignés de cette histoire-là où un personnage, ici on l'a entendu, c'est Louis XV, a l'air de tout décider sur sa période-là. C'est vrai que ça donne une certaine narration qui aujourd'hui est complètement dépassée. La narration d'aujourd'hui, de l'histoire, est beaucoup plus complexe. Alors c'est toujours dur à apporter la complexité. D'ailleurs, vous faites intervenir les élèves, mais il faut rappeler qu'ils sont tout à fait aptes à ça. Alors, ils sont aptes à ça. J'aimerais quand même qu'on revienne un petit peu sur ce que vous venez de dire, parce que quand vous dites la narration historique aujourd'hui est plus complexe, ça dépend sous la plume de qui. Il y a une dizaine d'années, un certain Dimitri Casali a commis une réédition de Lavis, qu'il a eu un peu l'outrecuidance de vouloir compléter, sachant qu'il y avait déjà plusieurs en fait strates d'auteurs différents, parce qu'il a réédité, je crois, la version 1940, Lavis étant mort en 1922. Et il a complètement dévoyé son projet. Et on caricature quand même assez souvent Lavis, qui bien sûr était guidé par un projet politique, civique. Il s'agissait aussi de faire adhérer les plus jeunes à l'idée républicaine. Et puis dans les années 1880-90, à nourrir un esprit de vengeance. Mais Lavis était connecté aux connaissances historiques les plus à la pointe de son temps. Et les Lavis, les manuels Lavis ont été très régulièrement mis à jour. Vous comparez le Lavis de 1912-13 à celui de 1884, il y a beaucoup d'évolutions. Et si Lavis était vivant aujourd'hui, ses écrits seraient nourris certainement d'histoire du genre, d'histoire des sensibilités. Et voilà, Dimitri Casali, ça ne l'a pas compris a priori. Ouais, bah, il avait pas lu. Mais je crois. Non, mais voilà, c'est vraiment cette complexité, je le dis encore une fois, c'est de manière positive, qui intervient pour raconter l'histoire, pour expliquer l'histoire. Vous venez de le dire, Yann Bouvier, histoire du genre, histoire des sensibilités, toutes ces autres histoires qui permettent de comprendre ce mouvement général. Et d'ailleurs, c'est intéressant avec Microcosme, hein, parce que ça inverse le mouvement. On regarde avec la loupe au plus petit, mais en regardant le plus petit, on comprend le plus grand. Oui, la loupe n'est pas toujours posée exclusivement dans le livre sur les personnages, il y a des allers-retours permanents. Et puis l'idée de ce livre, c'est effectivement à la fois de pouvoir étonner, donc je le disais tout à l'heure, celles et ceux qui ont déjà beaucoup, beaucoup lu ces individus, ils ne les connaissent pas. Et puis les thématiques que leur destinée permet de travailler, d'aborder, sont des thématiques assez peu présentes dans des ouvrages, on va dire, majeurs, en tous les cas très lus dans notre pays. Et puis l'idée, c'était aussi de donner des repères, d'en profiter pour donner des repères à celles et ceux qui arriveraient dans le livre à 16-17 ans, voire une vingtaine d'années, voire même 40-50 ans, qui n'auraient pas beaucoup lu de livres d'histoire, qui se diraient « Oh tiens, il y a des dessins, ça va être facile à lire ». Je les prends par la main, les chapitres sont incarnés, on peut en plus picorer dans l'ouvrage, et hop, j'en profite pour distiller quand même quelques informations clés nécessaires pour charpenter. Puis de toute façon, peut-on comprendre une existence si on ne la replace pas dans le contexte dans lequel elle s'inscrit, ou même plutôt dans les contextes dans lesquels elles s'inscrivent? Je ne le pense pas. Non, c'est impossible. Et puis, la chronologie reste là-bas, hein, de tout cela. On ne peut pas se faire fi de la chronologie. Ce n'est pas parce que l'on regarde d'autres formes de raconter de l'histoire que l'on oublie les fondamentaux. La chronologie, c'est un peu d'ailleurs le schéma que vous avez suivi dans ce livre, hein, Microcosme, c'est chronologique. Ça marche bien, ça, la chronologie. Les chapitres sont organisés chronologiquement. Les uns par rapport aux autres. Après, en interne, ça dépend. Il y a des chapitres qui sont écrits et qui suivent un fil chronologique, d'autres qui sont beaucoup plus thématiques. Je me suis laissé parfois aller un peu, notamment, oui, à l'improvisation de ce point de vue-là. Et puis surtout, un va-et-vient avec les clins d'œil liés au présent. Parce que oui. C'est ça aussi qui est très amusant. C'est que si on fait de l'histoire, c'est pas juste pour apprendre le passé, c'est pour comprendre le présent. Vous faites référence aux blagues? Ah oui, par exemple, oui. Non, mais il y en a plein. Et d'ailleurs, ça agrémente la lecture, c'est un vrai plaisir. Oui, j'ai essayé de distiller un petit peu d'humour. Je m'étais essayé il y a quelques années au stand-up et le confinement étant intervenu par-dessus, eh bien, j'ai redirigé ce désir d'écriture humoristique et j'ai effectivement consteller le livre de référence au présent, à la culture populaire, mais en essayant de faire en sorte que systématiquement ces saillies-là ne viennent pas contrebalancer la connaissance historique qui a été présentée au lecteur juste avant. Donc là aussi, tout un travail d'équilibriste. Et puis ce travail d'équilibriste, eh ben, c'est donner accès aux derniers travaux de la recherche historique sur des sujets qui sont toujours... Alors nous, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous recevons les auteurs, mais il y a toujours cette réflexion sur qui sont les passeurs, qui vont conduire ceux qui habituellement ne vont pas dans les rayons histoire des librairies et qui, là, grâce à un ouvrage, ici c'est un roman graphique, iront ensuite à lire. Alors je ne sais pas, il y a tant et tant de personnages que l'on pourrait évoquer. Tenez, en voici une. Ces années sont obscures et leur chronique incertaine. On sait toutefois que l'enfant fut vendu et livré le 8 février 1784 en la bonne ville de Basse-Terre de Guadeloupe. Il semble même qu'elle était descendue au rang de bête des champs les derniers mois de son séjour à l'habitation du parc. Les nouveaux maîtres l'estampèrent à l'épaule et la mirent au travail de la canne. Ils croyaient avoir acheté un corps prolongé d'une âme, mais quand ils entendirent son rire, ils ouvrirent leurs 10 doigts et la lâchèrent sur un autre marché d'esclaves. Il en alla ainsi pour les maîtres suivants, qui entendaient son rire et ouvraient leurs 10 doigts. Et tous laissaient des initiales sur son corps, ainsi que des éleveurs qui marquent les flancs d'une vache. Elle devint si sauvage que les hommes ne la possédaient que par force ou par surprise. Un petit blanc s'arrêta au bord de la route et dit, avec la voix qu'ils ont pour dire ces choses, « Qui n'ont à outifi ?» Ce qui signifie « Comment t'appelles-tu, mon enfant ?» Elle se redressa, s'appuya sur sa houe et eut ce rire, le rire des personnes qui ne sont plus là car elles naviguent dans les eaux de la perdition. Puis d'une voix monocorde, mais toujours traversée par ce même rire, elle prononça les paroles qui devaient s'attacher à elle tout au long de sa brève éternité. Avec la permission, maître, mon nom est Solitude. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. La mulâtresse Solitude, le roman en 1972 d'André Schwarzbach, avec ici ce personnage de Solitude. D'ailleurs, on l'a entendu un peu dans l'extrait. Yann Bouvier, qui est-elle? On n'en sait rien. Et ça, c'est important de le dire, notamment pour les Parisiens qui vivent à côté du jardin Solitude qui a été inauguré en 2020. Faites attention parce qu'il y a une plaque dans ce jardin qui indique que Solitude est née, par exemple, en 1772. Alors ça, c'est une date de naissance qui a été complètement inventé 2 siècles plus tard par le romancier André Schwarzbach, auréolé une décennie plus tôt d'un prix Goncourt, et qui effectivement croise Cette mulâtresse, c'est comme ça qu'elle est désignée par l'historien de la Guadeloupe, Auguste Lacour, au milieu du 19e siècle. Il lui consacre 12 lignes dans une grande, épaisse histoire de la Guadeloupe. Ces 12 lignes nous présentent cette mulâtresse en 1802. Au moment où les Guadeloupéens affranchis, les anciens esclaves, se révoltent contre le général Richepanse qui vient rétablir l'ordre à la Guadeloupe et, suppose-t-on à ce moment-là, rétablir l'esclavage, et les craintes de ces affranchis se matérialiseront très peu de temps plus tard, et on ne sait d'elle que cela. Et donc André Schwarzbart, romancier français, en 1972, publie un roman dans lequel il lui invente une longue biographie. Elle se serait appelée Rosalie, elle aurait été le fruit du viol d'un marin sur sa mère captive africaine. Et ces éléments de biographie absolument fictifs, si vous allez sur Internet, on les retrouve dans les colonnes de journaux, de quotidiens français bien établis, qui Le Figaro, qui L'Express. Ici, le roman s'est fait histoire. Et le roman s'est fait histoire, et puis l'historien Frédéric Régent, en l'occurrence, lui étudie l'histoire de une mise en abîme absolument incroyable avec le cas de Solitude, hein, on l'entend bien, cet élément romancé, inspiré de quelque chose qui vient du 19e siècle, qui nous conduit au début du 19e siècle, et vous, Yann Bouvier, ça vous permet, dans ces entractes, de réfléchir à comment on écrit l'histoire des inconnus, de rappeler aussi le travail sur les sources. Alors ça me permet de faire ça, et puis surtout ce chapitre sur Solitude, on en est quand même assez content parce que là on fait de la micro-histoire, mais on est aussi dans tout un travail de déconstruction d'une figure légendaire dont on arrive assez difficilement à se défaire en métropole comme en Guadeloupe. Et donc tout le travail ici est de faire un petit peu, non pas comme Frédéric Régent qui est spécialiste de l'histoire de la Guadeloupe fin 18e siècle, mais qui ne s'est pas intéressé spécifiquement au sort des femmes de couleur aux Antilles, mais plutôt ici de s'inscrire dans les pas d'Arlette Gauthier. Les Sœurs de Solitude. Et finalement, la figure fantasmée de Solitude est ici un prétexte à ressusciter ce qu'ont pu être les conditions spécifiques des femmes de couleur dans les Antilles françaises à la fin du XVIIIe siècle, qui subissaient une double exploitation que les hommes ne subissaient pas. Et c'est effectivement tout l'objet de ce chapitre qui joue ici avec les échelles, mais aussi avec les registres de lecture, de compréhension, d'analyse. Et ça passe bien auprès des élèves, c'est-à-dire que là, Microcosme, roman graphique, très bien, les dessins d'Éloi Chevalier, parfait. Mais est-ce qu'il est possible d'appliquer ça avec les élèves? Vous avez l'expérience de ça? Il m'arrive de chercher avec les élèves, effectivement, à déconstruire un certain nombre d'idées reçues qui peuvent, pour le coup, fleurir sur Internet parce qu'ils sont surtout friands des réseaux sociaux. Et dans le cadre, par exemple, de l'enseignement moral et civique, oui, c'est un travail que je fais et qui marche plutôt bien. Identifier une vidéo ahistorique, pseudo-historique, qui marche fort, qui fait des centaines, voire des millions de vues, la leur montrer, recueillir leurs impressions et puis ensuite leur dire, là, dans les 30 secondes de vidéo que vous venez de voir, il y a trois erreurs factuelles. Je vous laisse une séance pour les chercher, pour les trouver. Faites-vous démystificateur, faites-vous débunker. Et alors ça marche extrêmement bien comme pratique pédagogique. Ouais, c'est ça, il y a quelque chose de ludique ici. Oui, et puis là, les élèves ont le sentiment véritablement de devenir, si ce n'est historien, en tous les cas, ils voient bien qu'ils sont acteurs de la production, de la conclusion à laquelle nous allons aboutir ensemble. Et les élèves sont friands. Et les Françaises et les Français sont friands de ça aussi. On le remarque avec le succès de chaînes YouTube remarquables qui tissent des liens et créent des ponts extrêmement solides, parce que c'est ça, faire de la vulgarisation, entre les chercheurs et le grand public. D'ailleurs, ça marche pas trop mal pour les émissions radiodiffusées. Merci à toutes, merci à tous. Non, mais c'est vrai, ça fait très plaisir. Et puis dans tout ce travail, il y a également celui de transmission, tout simplement laisser la parole. Est-ce que vous avez peur que ça se reproduise? Oh là là, ça serait affreux. Faut pas penser à ça. Non, oui. Pas possible. Il y a toujours quand même dans chacun un petit sens d'humanité, un petit sens qui fait que quand même il y a certains gestes qui se font, il y a certains. Je sais pas, non, c'est pas possible. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire les jeunes pour éviter ça? Premièrement, faut pas faire de fanatisme. Faut pas se laisser emporter par des idées. Il faut bien les mesurer. Parce que quand même, quand on voit Hitler en train de faire des discours et tous les autres qui... Mais bon, après, quand ils ont compris, il y en a beaucoup qui ont reculé. Mais non, non, surtout pas de fanatisme et la paix. Mettez la paix en vous, elle se répandra près des autres. C'est bien de l'entendre. Qui est Nicou? Après ma compagne, c'est, je crois, la plus belle rencontre de ma vie. C'est Janine Maurice Messerly, qui était une résistante gersoise toulousaine. En 2016-2017, dans le lycée dans lequel j'enseigne, j'ai encadré un groupe d'élèves extrêmement motivés, très travailleurs, qui préparaient le concours national de la résistance et de la déportation, qui ont construit un site internet formidable et qui ont tenu à écrire le script de 3 courts-métrages inédits, à les tourner, à les implémenter dans le site avec toute une documentation d'accompagnement. Et chaque capsule vidéo rendait compte du parcours d'une personnalité, et donc une, effectivement, portée sur Janine Messerly, qu'on a rencontrée après avoir remporté le premier prix académique. Et ça, c'était 3-4 ans avant de me lancer dans l'écriture de Microcosme. Et donc, quand il s'était agi de réfléchir à un individu pour accompagner le lecteur dans la compréhension du rôle, de la place spécifique des femmes, notamment en résistance, et aussi du sort spécifique des femmes en déportation, parce qu'elle a été déportée à Ravensbrück. Le choix de Janine Maurice a été assez évident. Il a fallu par contre mettre à distance l'émotion qui était aussi la mienne. C'est tout le travail de l'historien que de faire ça. Oui, c'est le travail de l'historien et l'émotion à sa part aussi. Dans la transmission, c'est très important de mettre de l'émotion. C'est pas une histoire froide, ce sont des hommes, des femmes qui ont vécu, souffert, eu du plaisir. Et c'est important aussi de le mettre. C'est aussi en cela qu'une histoire très incarnée rend le discours efficace. Bien sûr. Alors, il s'agit aussi de dire au lecteur justement que j'ai pu rencontrer Janine Maurice. C'est l'objet notamment d'une case du livre dans laquelle on restitue d'ailleurs son salon. Janine Maurice nous a quittés au milieu de l'écriture du livre à un âge assez avancé. Elle a été quasi centenaire, même centenaire d'ailleurs, pleinement centenaire. Oui, le fait effectivement de traverser les époques aux côtés d'individus les ayant réellement vécu, je pense oui que c'est propre à passionner même les plus rétifs au récit historique. Après, l'émotion, il faut quand même la mettre entre guillemets un peu à distance. Moi, je pouvais m'appuyer sur une écriture de soi de Janine Maurice. Elle avait fait toute une série d'entretiens à la fin des années 2000 avec une universitaire toulousaine. Et puis, j'ai croisé tout cela avec notamment son dossier de déporté. Je me suis rapproché de son fils adoptif. J'ai récupéré des archives de famille. Et c'est en fait ça, mettre ses émotions à distance. C'est venir contrebalancer le témoignage recueilli, parce que nous avons aussi avec les élèves recueilli quelques bribes de témoignages inédits de Janine, venir opposer à tout cela le travail en archive, le travail sur les sources, le travail documentaire. Oui, mettre ses émotions à distance, et puis parfois, en se baladant dans la rue, bah, l'émotion surgit. C'est au fond toujours la même voix, mais ayant acquis la complète maîtrise du béton armé, il a été amené à le polisser, à le modeler et à faire jouer avec une extrême finesse les modes et natures et ce que l'on pouvait attendre du coffrage qui les forme. Monsieur Lambert, qui vient de prendre la parole, fut un des collaborateurs d'Auguste Perret dans cette œuvre énorme qu'est la reconstruction du Havre. Mais je voudrais revenir à monsieur Brochard et lui demander de nous dire comment Auguste Perret travaillait avec ses collaborateurs quotidiens. Eh bien, il y avait au bureau Perret, au 55 de la rue Renoir, une équipe qui était formidable. Et nous travaillions en accord complet avec le patron. Il avait une telle confiance en nous qu'il nous donnait des idées que nous concrétisions sur nos planches à dessin. En 1954, émission Hommage, Auguste Perret, l'architecte, venait juste de décider et ses collaborateurs, messieurs Lambert et Brochard, s'exprimaient à propos d'Auguste Perret, notamment de son atelier rue Renoir. C'est pas très loin de la maison de la radio d'ailleurs, Yann Bouvier. Alors là, vous êtes très fort, parce qu'effectivement, j'ai publié une story, j'ai réalisé que la rue Renoir était juste à côté, et je me suis rendu devant le 51 rue Renoir, où a vécu Mireille Avé, qui incarne un chapitre qui est un chapitre plutôt d'histoire culturelle, France des années 1910-1920. Il y a un dessin d'ailleurs dans le livre, page 179, qui restitue l'état de la rue Renoir avant les fameux travaux portés par Auguste Perret, qui est donc cet architecte un peu art déco qui a été un peu le pape du ciment, on peut le dire. Ouais, le béton armé. Le béton armé, c'est ça. Et donc voilà, je me suis rendu devant ce bâtiment qui date très précisément de 1932, un an avant l'immeuble dans lequel Mireille avait vivé a été démoli, et ça a été le début de la fin pour cet artiste maudit, absolument méconnu, poétesse des années 20, qui est entré dans un cycle de clochardisation, dont la plaque qui aujourd'hui figure sur le 51 rue Reynouard, dont cette plaque ne fait pas mention. Voilà, ici il y a eu une autrice magnifique. Ça serait peut-être pas mal de réparer cet oubli, d'autant que ce 51 rue Reynouard jouxte la maison de Balzac. Oui, c'est juste à côté de la maison de Balzac, ça nous fait un auteur, une autrice juste à côté, et une qui a été oubliée, mais c'est quand même très fréquent ça. Quand vous exposez dans Microcosme tous ces personnages, vous faites attention à ce qu'il y ait un équilibre entre les hommes et les femmes ? Alors là, j'y ai fait particulièrement attention, oui, l'équilibre n'est pas parfait. Il y a aussi un entracte qui pose la réflexion de la place des femmes dans le récit historique, et qui rend notamment hommage à toutes ces historiennes, dont bien sûr Michel Perrault, une de ces 20 universitaires qui nous a fait le bonheur de relire les chapitres et de les valider scientifiquement. Je tiens quand même à remercier tous ces historiens, toutes ces historiennes qui ont permis d'affiner la qualité scientifique et historique de ce livre. Et les femmes, effectivement, sont présentes. Il y en a 5 dans l'ouvrage, et qui d'ailleurs font l'objet de chapitres assez épais, assez denses. Patrick Veil avait dit il y a 2 ans de cela qu'il manquait un récit national dans lequel chacun pourrait se reconnaître. C'est un petit peu ce qui a guidé le choix des personnages, même si j'ai fait ces choix-là avant l'intervention de Patrick Veil. J'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait un petit peu de tout. Il y a une ouvrière, il y a effectivement une femme de couleur, une antillaise, l'histoire de l'Afrique du Nord, la guerre d'Algérie fait aussi l'objet d'un chapitre. Il y a des bourgeois, il y a des soldats, des militaires, il y a des hommes d'église, des hommes de culture, des hommes qui en ont moins, il y a un artisan, ouvrier agricole à 16 heures, il y a un petit peu de tout. Il y a un peu de tout, et qui forment des mémoires et des histoires qui ne sont pas incompatibles. Parce que bien souvent, il y a une rivalité mémorielle, et on le voit d'ailleurs sur les réseaux sociaux et de la part des plus jeunes, ce jeu d'opposition, d'histoire qui serait toujours dans la tension, alors que non. Et on voit quand on relie tous ces personnages les uns aux autres, c'est une histoire qui nous relie. Qui ne nous divise pas. C'est une histoire qui nous relie. C'est effectivement, ça a été un des fils conducteurs, je le disais, de la réflexion qui m'a conduit à choisir ces individus-là et puis aussi à m'apesantir sur les thématiques qui traversent le livre. Et en même temps, c'est ce qui fait que le livre n'est pas polémique. Est-ce que c'est un mal pour un bien ? Je ne sais pas. Mais on pourrait reprocher de ce point de vue-là au livre peut-être d'être un petit peu lisse. Moi, je crois qu'il est important, quand on referme un livre d'histoire de France, quel qu'il soit, qu'on se soit retrouvé à un moment de l'ouvrage, qu'on ait l'impression à un moment donné que le livre a parlé, non pas de son histoire propre, mais de l'histoire familiale dont on est issu, des branches comme ça, ou des racines qui plongent profondément, au plus profond de cette histoire nationale qui est, il faut bien le rappeler, le fruit d'une lente construction. Et puis dans votre présence sur les réseaux sociaux, vous devez être confronté sans cesse, Yann Bouvier, Yann tout court dans ce cas-là, à ces oppositions constantes, et tous ceux, toutes celles qui font de l'histoire le savent, hein. Il y a quelques mots-clés qu'il suffit de prononcer pour avoir tout de suite des réactions stéréotypées et liées aux clichés. Et là, toujours cette même chose, ne pas baisser les bras, mais quand même avoir la capacité de répondre, peut-être presque par des automatismes. Et c'est en ça que Microcosme est intéressant, parce que je ne veux pas dire que c'est un manuel de survie comme une réponse, mais ça permet de répondre à tout ce que l'on peut entendre sans cesse et qui est fatigant. Et sans aller jusqu'à la terre est plate, ce qui est un cliché, mais il y a tant d'autres éléments qui sont épuisants pour les historiens et les historiennes. Oui, et je crois que l'élément le plus épuisant, c'est celui qui consiste à croire qu'il y aurait une doxa des historiens, ce qui est un peu le chiffon rouge agité par tout un tas d'individus plus ou moins bien intentionnés. Et le livre rappelle d'ailleurs en filigrane qu'il y a bien sûr des débats, et il y a souvent des guerres, même parfois d'égo entre historiens. Il suffit de se rendre dans un colloque d'historiens pour bien voir que les historiens sont souvent en désaccord. Mais il y a au milieu de ces désaccords des faits qui font consensus. Et quand on vient tordre ces faits, quand on vient les nier ou quand on trie les faits et qu'on met de côté des faits essentiels reconnus par la communauté des historiens, quel que soit leur désaccord par ailleurs, eh bien, on met en danger, je crois, les fondements de la démocratie. Et vous l'avez dit, ce livre, c'est pas comme ça que je l'ai pensé, c'est pas comme ça que nous l'avons pensé, mais j'espère que c'est, non pas forcément un contre-roman national, mais qu'il pourrait servir d'antidote. Je crois en tout cas qu'il a été pensé, et c'est la réflexion que je me suis faite une fois qu'il est sorti seulement, qu'il est une sorte de négatif de ce qui peut se faire de pire depuis 10, 15, 20 ans en termes de publication sur l'histoire de France destinée au grand public. Et j'espère que ça pourra avoir un écho qui permettrait d'annihiler un petit peu tout ce qui a pu faire tant de mal ces dernières années, même décennies, à notre discipline. Oui, parce que la discipline, c'est une discipline, vous l'avez dit, dans la nuance, dans parfois le désaccord. Il n'y a jamais de certitude, on l'a dit aussi, l'histoire se périme. Elle est toujours constituée par de nouvelles écritures, par de nouvelles sources, par de nouvelles études. Dès qu'il n'y a plus de discussion, c'est là où ça devient inquiétant. Vous savez parfaitement bien ce qui ne va pas chez vous, Winston. Vous souffrez d'une mémoire nettement défectueuse. Par exemple, contre quelle puissance l'Océanien est-elle en guerre présentement? L'Océanien est en guerre avec l'Estasia. L'Estasia. Bien. Les photos à propos desquelles vous avez eu des hallucinations, vous avez cru les avoir entre les mains. Elles n'ont jamais existé. Dites ce que vous vous apprêtiez à dire. Elles existent dans la mémoire. Moi, je m'en souviens. Vous, vous vous en souvenez? Je ne m'en souviens pas. Seul un esprit discipliné peut voir la réalité, Winston. 1984, bien sûr, d'après le roman de George Orwell, le roman de 1949. Yann Bouvier, il y a ce paradoxe sans nom de dire qu'au moment où l'information se diffuse le plus, où la connaissance historique est accessible de manière très facile, il y a tant et tant de choses sur Internet, partout. C'est à ce moment-là qu'on sent qu'il y a une grande méfiance aussi sur ce qu'est l'histoire par ceux et celles qui manipulent l'histoire. Pour l'historien que vous êtes, c'est aussi un enjeu, et j'ai envie de dire pour l'enseignant que vous êtes, c'est un enjeu majeur de dire qu'il faut redonner sa place à l'histoire en tant que discipline scientifique face à tout ce qu'on peut croiser. Je ne suis pas sûr qu'il faille lui redonner sa place, je ne pense pas qu'elle l'ait perdue. Par contre, sa place est attaquée, sa place est menacée. Moi, ce que j'entends dans le discours, par exemple, d'un Éric Zemmour qui brandit sans cesse, je le disais tout à l'heure, le chiffon rouge de la doxa des historiens, c'est la menace latente de réduire, voire d'annihiler la liberté de recherche des historiens si un jour ce type d'individu venait au pouvoir. Je pense véritablement que c'est un des fondements de nos démocraties. Et ces rhétoriques sont assez alarmantes. C'est aussi la rhétorique du « mais l'histoire est écrite par celles et ceux qui sont au pouvoir ». Sous-entendu, tous les récits historiques se valent. Les travaux des historiens, comme les élucubrations de tel ou tel éditorialiste ou de tel ou tel youtubeur à la petite semaine, se vaudraient. Clairement non. Clairement non. Ce qui charpente la validité du discours historique, c'est le respect d'une méthode et d'une éthique. D'où la nécessité, en fait, je crois, au-delà de faire de la bonne vulgarisation historique, au-delà de bien enseigner l'histoire comme le font l'écrasante majorité des enseignants de ce pays, au-delà de donner le goût de l'histoire comme le font de très belles émissions à la radio. Merci. Avec plaisir. Je crois que ce qui est fondamental, c'est peut-être effectivement, encore une fois, de présenter ce qu'est l'histoire comme discipline et de montrer l'historien et l'historienne au travail. Et puis avec ce mot discipline qui fait toujours un peu peur, hein, parce que la notion de discipline, on a l'impression qu'on va se prendre un coup. Bah oui, c'est une discipline, mais non, parce qu'il y a du plaisir. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut sans cesse mettre en avant, c'est le plaisir d'apprendre des choses, rien que ça, le plaisir d'apprendre. Et puis simplement le plaisir du sourire, de l'étonnement, sans cesse, ça fait vraiment partie de la transmission. Vous avez mis les blagues, on les a vues. Hein. Mais sans passion, je ne pense pas qu'on puisse transmettre efficacement. Et puis le goût d'apprendre. Qu'est-ce que j'ai appris, notamment, je le disais, en construisant et en co-créant avec Éloi Chevalier ce livre. Quand on est historien, souvent, on a un petit défaut de formation. En histoire de l'art, en archéologie, mes connaissances quant à l'évolution, je ne sais pas moi, de la pilosité masculine au XVIe siècle étaient extrêmement limitées, jusqu'à ce que je me lance effectivement dans la documentation visuelle, que j'ai voulu être la plus précise possible. Et quelle est la forme des barbes dans les années 1530 à Fontainebleau, voilà. Ah, on a une débarbe carrée, très bien, mettons des barbes carrées. À partir de quel moment est-ce que les fraises commencent à sortir d'école? À partir de quel moment sont-elles véritablement amplement déployées? On observe aussi finement dans les tableaux ce jeu de double évolution. Plus la fraise s'élargit, plus les barbes se rétrécissent, années 1570. Voilà, c'est tout ce travail de documentation qui, moi, m'a beaucoup plu, m'a passionné. J'ai eu l'impression de rajeunir. Et c'est peut-être aussi ça, un des intérêts de se plonger dans les études et la recherche historique. Bah, écoutez, en évoquant ces barbes du XVIe siècle, j'ai envie de dire, Yann Bouvier, merci d'être venu. Merci d'être venu dans le cours de l'histoire. Microcosme, l'histoire de France à taille humaine. C'est publié chez First avec des dessins d'Éloi Chevalier et livre pour plusieurs publics. C'est en ça aussi que ce livre-là est intéressant. Merci beaucoup à vous d'être venu. Merci beaucoup, Xavier. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Pourquoi Gustave Flourens, professeur au Collège de France, est-il mort le 3 avril 1871, les armes à la main? Gustave Flourens est né à Paris en 1838. Son père, Pierre Flourens, fut député de l'Hérault, avant de poursuivre une carrière d'éminent physiologiste au Collège de France, puis à l'Académie française. Émile Flourens, le frère aîné de Gustave, fut ministre des Affaires étrangères sous la Troisième République. Le chemin semblait donc tout tracé pour lui. Après de brillantes études, son père l'embaucha comme suppléant de sa chaire du Collège de France. Mais dans ses cours sur l'origine de l'homme, Gustave Flourens multiplia les critiques contre les dogmes de la religion chrétienne. Sous la pression des catholiques, son enseignement fut interrompu. Au lieu de se soumettre, Gustave Flourens protesta publiquement contre cette censure, ce qui provoqua la rupture avec son père. Franc-maçon, proche des socialistes blanquistes, Gustave s'exila ensuite en Belgique, puis s'installa à Istanbul et à Athènes. En 1866, il participa à l'insurrection crétoise contre l'Empire ottoman. Expulsé de Grèce, il revint en France et collabora à la Marseillaise, le quotidien lancé par le polémiste Henri Rochefort. Accusé d'avoir participé à une tentative de complot contre Napoléon III, Flourens s'enfuit en Hollande, puis en Angleterre, où il tissa des liens avec Karl Marx. Le 4 septembre 1870, la proclamation de la République lui permit de rentrer en France. À Belleville, il dirigea un bataillon de la garde nationale. Puis il fut élu à la Commune pour assurer la défense du Paris révolutionnaire. Il fut tué le 3 avril 1871 à Rueil, lors de l'offensive des communards contre Versailles. Flourens est un bel exemple d'intellectuel ayant quitté son univers bourgeois pour combattre l'oppression et défendre la justice sociale, poussant cet idéal jusqu'à lui sacrifier sa vie. Pourtant, quand on lit l'ouvrage qui rassemble ses cours du Collège de France, on constate qu'ils sont remplis de préjugés que l'on qualifierait aujourd'hui de racistes. À cette époque, le concept de race faisait partie en effet du vocabulaire que les intellectuels de gauche utilisaient pour dénoncer les dogmes chrétiens sur l'origine de l'humanité. Flourens s'en servit abondamment pour faire l'apologie des Ariens, qu'il appelle les Arias. C'est d'eux que nous viennent nos idées les plus élevées, nos sentiments les plus nobles, nos fidélités inébranlables, nos généreuses abnégations. Et il ajoute, les Gaulois présentaient le type Aria dans toute sa pureté, teint, cheveux blonds, yeux bleus, alors que la race des Arias de Russie s'est fortement mongolisée, de là son infériorité en civilisation. Ces préjugés raciaux étaient alimentés aussi par des remarques antisémites comme celle-ci. Jamais les sémites n'ont connu d'autre mobile que l'intérêt et le fanatisme. Il ne faut chercher parmi eux aucune de ces nobles qualités qui appartiennent aux Arias. Ni générosité, ni dévouement, ni reconnaissance pour les services rendus. Le cas Flourens est un bon exemple d'une question sur laquelle les intellectuels n'ont pas assez réfléchi. Pourquoi les contestataires, même les plus radicaux, mobilisent-ils souvent les préjugés de leur temps pour alimenter leur critique politique ? Merci Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Jeanne Delecroix, Anne Toscan-Vudès, Jeanne Copet, Mathieu Copal et Mayouen Guizhou. Merci à l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. Le cours de l'histoire est à retrouver, à podcaster, à écouter sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France.